Bonjour Serena. Bonjour Paulin. Aujourd'hui, nous allons faire le top cruise du meilleur véhicule. Brum brum. Top top top. Top top top. Top top top. Top top top. Top top top. Top. C'est le top cruise. Alors, le meilleur véhicule, alors là, on est sur du top de luxe, quoi. Alors, j'entends véhicule, tout ce qui peut être utile pour se déplacer. Attends, ok. Nuance. Ah, c'est nuance. Pas mal. Donc, ça peut être des rollers. Ça peut être des rollers. Ça peut être une trottinette. Ça peut être un vélo. Un cheval. Et oui. Eh bien, nous commençons justement par les numéros 3. Oui. Qui est effectivement le cheval. J'ai dit cheval au pif, mais j'avais oublié qu'il y avait un cheval. Dans Horizon lointain, ben oui. Far and Away, il y a quand même la scène de chevaucher la plus ouf, je trouve, de toute la carrière. C'est la meilleure scène du film. Absolument. Mais quand même, c'est quand même fou. Parce que Tom Cruise, il est souvent associé à hélicoptère, machin, bidule, voiture. Hein. Beaucoup avions, avion et tout ça. C'est vrai. En réalité, là, il fait un truc de malade. Ouais. Et elle est vraiment belle, elle est vraiment passionnante et je trouve que ça t'aimait quand même dans un truc de film d'action tout en étant pas du tout ça, c'est très bizarre. C'est vrai. J'ai beaucoup aimé. Bon coup, Tom. Deuxièmement, je mettrai quand même forcément la moto de Top Gun. Ah, la moto de Top Gun, ok. Parce que j'avais pas trop envie de mettre les avions. Je trouve que c'est un peu... Oui, c'est piloté, oui. Mais la moto de Top Gun, c'est tellement... Ouais, et en plus, la moto, elle revient beaucoup dans ce film. Ah bah t'as la moto dans Mission Impossible 2 quand même. Absolument, mais t'as des motos je pense à peu près dans tous les films, ouais, même dans des films. Oui, dès qu'il y a moyen il y a une moto. S'il se déplace, il est en moto. Ouais, c'est vrai, c'est un peu le truc de base, on met une moto. Des bases, mais la moto de Top Gun a ce petit plus où il n'a pas des casques. Ouais, c'est bon, en même temps, il met jamais. Il met jamais. C'est l'Amérique ça. Oui, mais bon, il y a un truc quand même, même de la vitesse, tu vois la vitesse sur son visage. C'est vrai. Et mon number one... est quand même la stock car de Jour de tonnerre. Bah oui. Ce qui m'a vraiment impressionné et qui a fait aussi qu'après j'ai regardé des vidéos de vraies courses. Oui. Et c'est trop impressionnant. C'est absolument fou comme sport. Je sais pas pourquoi les gens font ça. Non, c'est vrai, on est d'accord. C'est complètement fou et c'est hyper dangereux et c'est bien. Je trouve qu'il y a un amour pour cette. Je sais pas, dans le film, comment il est tourné, malgré tous ses défauts et tout ça, je trouve qu'il y a un truc. Vraiment, tu sens vraiment une espèce d'amour pour ces courses qui doivent être quelque chose de très important. Je sais pas, pour les Américains, je pense que c'est. Oui, c'est. C'est comme la messe. Oui, voilà, c'est un peu fou, quoi. Les nombres de gens qui vont voir ça et tout. Et je trouve que il a une vraie relation où il apprend à conduire cette voiture. Et je trouve que c'est une relation avec, pas que la voiture, du coup, aussi les mécanos et l'équipe, disons, derrière. Moi, ça m'a touché cette. Non, mais c'est vrai, ça m'a touché à l'endroit. Ouais, Là, je pensais que tu avais parlé de la voiture dans Days of Thunder qu'ils utilisent pour se faire la course entre eux et qui pourrissent en allant au resto. C'est vrai, c'est pas mal ça aussi. Mais c'est pas le lien. Mais c'est pas le même. C'est pas le même. Parce qu'il en pourrit des voitures aussi. Ah, bah ça, il en a cassé un paquet. Hein. Mais c'est vrai que celle-là, c'est celle qui garde plus longtemps. Oui, il a une vraie relation en tout cas avec ses véhicules. Tout à fait. Eh bien, merci Serena. Bah, de rien et à demain. À demain.